Les nuits de France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. Qui est qui ? Qui est un vrai dynamiteur et qui est un vrai détective ? Si tant est qu'il y ait un vrai dynamiteur et un vrai détective, et que ce ne soit pas la même personne. Est-on enchaîné par la parole donnée ? Que faire après un repas épouvantable dirigé par Dimanche ? Dimanche. Est-ce de lui que l'on parle lorsque l'on affirme que 300 hommes ne pourraient venir à bout d'un certain individu ? Qui est qui ? Qui est déguisé ? Et déguisé en quoi donc ? On peut s'être tellement déguisé que même avec ses amis, on continue à jouer au paralytique. Et pourquoi être un policier plutôt qu'un facteur ? Voici le cinquième épisode du feuilleton tiré de l'œuvre de Gilbert Kate Chesterton, Le nommé jeudi, diffusé pour la première fois sur France Culture le 9 septembre 1983. Monsieur Gabriel Syme, de la police secrète, délégué en tant que jeudi au Conseil central des anarchistes d'Europe. Vous êtes un démon. Vous êtes un honnête homme. Mais c'est vous qui m'avez forcé. Oh, soyez raisonnable. Pourquoi m'avez-vous amené dans cet infernal parlement ? Vous avez exigé mon serment avant que j'exigeasse le vôtre. Sans doute nous agissons l'un et l'autre selon l'idée que nous nous faisons du bien et du mal, mais de votre conception à la mienne, il y a une si formidable distance que nous ne saurions admettre de compromis. Il ne peut y avoir entre nous que l'honneur et la mort. Le nommé jeudi de G.K. Chesterton, adapté par Roger Pilaudin, d'après la traduction de Jean Florence. Aujourd'hui, cinquième épisode, conduite inexplicable du professeur De Worms. Avec Pierre Arditi et Roger Carrel. Réalisation Claude Roland Manuel. Devant une vitrine. Cette silhouette qui traîne la jambe, le professeur De Worms. Échapper. Échapper avant tout ne fût-ce qu'une heure à l'atmosphère empoisonnée que je respire depuis hier. Remettre de l'ordre dans mes pensées. Et d'abord, résoudre ce problème. Suis-je, oui ou non, enchaîné par la parole donnée à Grégory ? Une tasse de café, s'il vous plaît. Oh, comme tout est rassurant ici. Si loin des mots 17. Pourtant, leur terrible conseil n'a rien de chimérique. Je me sens libre dans une ville libre. Et je bois mon café parmi des hommes libres. Encore lui. Devant un verre de lait. C'est bien De Worms. Comment ce cadavre a-t-il pu me suivre ? Je me suis trop attardé, je lui ai donné le temps de me rejoindre. Mais pourquoi me suit-il? Si Dimanche me faisait surveiller, il n'aurait pas chargé de cette mission un paralytique. Heureusement, je le distancerai sans peine. À 10 minutes d'ici, je connais dans Fleet Street une maison de thé ouverte le dimanche. Dimanche. Un thé, s'il vous plaît. Non, donnez-moi plutôt un café. Un tasse de lait, s'il vous plaît. Encore lui, avec son lait. M'asseoir ici, ça vous permettez. Ah, merci. Merci. Dis de compère, je saurais t'arracher ton secret. Cette canne épée fera face à mon persécuteur. Vous ayez de Worms le privilège de réunir en votre personne les caractères du paralytique et du coureur à pied vous rend intéressant. Me poursuit-il sans me soupçonner à proprement parler? Y aurait-il là une sorte de rite? Dois-je être ainsi poursuivi le long du Cheapside à l'image d'un nouveau Lord Mayor qu'on escorte? Il faut en finir. Une chope de bière, s'il vous plaît. Pour moi, un verre de lait, je vous prie. Êtes-vous un policeman? Un policeman? Un policeman? Enfin, qu'y a-t-il donc en moi qui vous fasse penser à un policeman? Oh, c'est très simple. Vous avez l'air d'un policeman. Je l'ai vu tout de suite et je le vois encore. Mais aurais-je pris par erreur en quittant le restaurant le chapeau d'un policeman? Portais-je quelque part sur moi un numéro? Mes chaussures ont-elles cette physionomie vigilante qui caractérise celle des policiers? Pourquoi serais-je un policeman? Pourquoi ne serais-je pas plutôt un facteur? Et peut-être certaines finesses de votre philosophie teutonique m'échappent-elles? Peut-être dans votre esprit, policeman est-il un terme tout relatif? Du point de vue de l'évolution, monsieur, le singe se transforme en policeman par des degrés si insensibles que je n'aurais sans doute pas perçu toutes ces délicates nuances. Le singe est le policeman qu'il sera peut-être un jour. Mais peu m'importe si j'ai l'aspect du policeman que j'aurais pu être. peu m'importe d'être quoi que ce soit selon la philosophie allemande. Êtes-vous au service de la police? Êtes-vous un détective? Mais votre supposition est ridicule, pourquoi? Vous avez entendu ma question, espion trembleur. Êtes-vous un détective, oui ou non? Non. Hein? Vous les jurez? Les jurez-vous? Si vous vous parjurez, savez-vous que vous serez damné? Savez-vous que le diable dansera à votre enterrement? Savez-vous que le grand cauchemar vous attend déjà au bord de votre tombe? Pas d'erreur entre nous, n'est-ce pas? Vous êtes bien un anarchiste. Vous êtes bien un dynamiteur et non pas un détective. Vous n'appartenez en aucune façon à la police britannique. Je n'appartiens pas à la police britannique. Ah, c'est dommage, car moi, j'en suis. Vous êtes quoi? Qu'êtes-vous? Un policeman? Puisque vous estimez que le mot policeman n'a qu'un sens relatif, nous ne pouvons nous entendre. Je suis de la police britannique et vous n'en êtes pas. Je n'ai donc qu'une chose à vous dire. Je vous ai rencontré dans un club de dynamiteurs et je pense que mon devoir est de vous arrêter. Mais qui me prouve? Cette carte bleue. Oh. Et voici la mienne, camarade. De quoi riez-vous, monsieur? Ah, de moi-même. Non, mais revenez à vous, vous allez avoir une crise de nerfs. Demandez encore de la bière, je vais en faire autant. Ah, vous n'avez pas bu votre lait? Mon lait? Mon lait. Pensez-vous que je daigne jamais jeter un regard sur cette drogue quand ces maudits anarchistes ne me voient pas? Nous sommes entre chrétiens ici. Boire ce lait? Oh, Dieu du ciel. Attendez. Deux bières, s'il vous plaît. Ah, je comprends maintenant, mais naturellement, vous n'êtes pas du tout un vieillard. Ah. Je ne puis ôter ma figure ici. C'est une machine plutôt compliquée. Quant à savoir si je suis un vieillard, ce n'est pas à moi d'en juger. Lors de mon dernier anniversaire, j'avais 38 ans. Et vous n'êtes pas malade non plus? Oh, si, si. Je suis sujet au rhume. Saviez-vous que ce gogol fut des nôtres? Moi, non. Non, je ne le savais pas, mais vous, l'ignoriez-vous donc? Oh, je n'en savais pas plus là-dessus que les morts du cimetière. Je croyais que le président voulait parler de moi et je tremblais dans mes bottes. Mais moi de même! Je croyais qu'il parlait de moi tout le temps, j'avais la main sur mon revolver. Ah, mais c'est ce que je faisais aussi. Et c'est évidemment ce que faisait aussi Gogol. Trois! Nous étions trois. Trois contre quatre, on peut se battre. Si nous avions su que nous étions trois! Eussions-nous été 300, nous ne pouvions rien. Comment? À 300 contre 4? Non, 300 hommes ne pourraient venir à bout de dimanche. Professeur, cela n'est pas tolérable. Auriez-vous peur de cet homme? Oui, et vous aussi. Oui, vous avez raison, j'ai peur de lui. C'est pourquoi je jure devant Dieu que je chercherai cet homme et que je le frapperai sur la bouche. Quand le ciel serait son trône et la terre son tabouret, je jure que je l'en arracherai. Comment? Et pourquoi? Précisément parce que j'ai peur de lui. Ah. On ne doit pas laisser vivre un être dont on a peur. Qui donc condescendrait à frapper seulement les êtres dont il n'a pas peur? Qui donc voudrait être brave à la façon d'un lutteur forain? Qui donc voudrait ignorer la peur comme un arbre? Il faut lutter contre ceux que l'on craint. Vous souvient-il de cette vieille histoire d'un clergyman anglais qui administrait les derniers sacrements à un brigand sicilien? Le grand détrousseur, à son lit de mort, dit au ministre: « Je n'ai pas d'argent à vous donner, mais voici un avis qui pourra toujours vous être utile. Le pouce sur la lame et frappez de bas en haut. » Eh bien, l'avis est bon, en effet. Frappez de bas en haut si vous voulez atteindre les étoiles. Dimanche est une étoile fixe. Vous verrez que ce sera une étoile filante et tombée. Avez-vous une idée? Savez-vous exactement où vous allez? Oui, je vais les empêcher de jeter leurs bombes à Paris. Vous avez un moyen? Non. Vous vous rappelez qu'un peu avant de lever si précipitamment la séance, Dimanche avait confié tous les préparatifs de l'attentat au docteur Boulle et au marquis. En ce moment, le marquis probablement est en train de passer le détroit. Mais que fera-t-il? Et où ira-t-il? On peut douter que Dimanche lui-même le sache. Ce qui est sûr, c'est que nous l'ignorons. Le seul homme qui soit au courant de l'affaire, c'est le docteur Boulle. Malheur! Et nous ne savons pas où le prendre? Si. Pour mon compte, Je sais où le prendre. Me le direz-vous? Je vous y mènerai. Que voulez-vous dire? M'accompagnerez-vous? Partagerez-vous les risques avec moi? Jeune homme, je vois que vous me prenez pour un lâche et cela m'amuse. Je vous dirai qu'un mot. Un mot tout à fait dans le goût de votre rhétorique philosophique. Vous croyez qu'il est possible d'abattre le président. Je sais que c'est impossible et je vais essayer de le faire. Où allons-nous? Nous allons tourner le coin et voir si le docteur Boulle est déjà couché. Il se couche tôt. Il a un grand respect pour les lois de l'hygiène. Le docteur habite ici? Non, il habite assez loin, de l'autre côté du fleuve. Mais d'ici, nous pourrons voir s'il est couché. Vous voyez sur le fond de cette masse de hautes maisons, pointillée de quelques fenêtres éclairées. Et en particulier cette sorte de tour de Babel aux 100 yeux. C'est là. Et la lumière la plus haute de cette tour... Oui. Elle vient de s'éteindre. Nous arrivons trop tard. Le prudent docteur est couché. Mais qu'est-ce à dire? Est-ce qu'il habite là-bas? Oui, précisément derrière cette fenêtre que vous ne pouvez plus voir. Venez, allons souper. Nous irons le voir demain. Votre déguisement est excellent. Il vaut mille fois mieux que celui de ce vieux gogol. Dès le premier regard, je l'avais trouvé... trop chevelu. Nous avons, lui et moi, deux différentes conceptions de l'art. Gogol est un idéaliste. Il a fait de sa propre personne la représentation idéale, platonicienne de l'anarchiste. Moi, je suis un réaliste. Je suis un portraitiste. Encore n'est-ce pas assez dire. Je suis un portrait. Je ne comprends pas. Je suis le portrait du fameux professeur de Worms, qui, si je ne me trompe, est en ce moment à Naples. Vous voulez dire que vous êtes grimé à sa ressemblance? Mais ne sait-il pas que vous abusez de son nez? Mais il sait parfaitement. Alors, pourquoi ne vous dénonce-t-il pas? C'est moi qui l'ai dénoncé. Expliquez-vous. Avec plaisir, si vous voulez bien écouter mon histoire. Je suis, de mon métier, acteur. Et je me nomme Wilkes. Et quand j'étais sur les planches, je fréquentais toutes sortes de bohèmes et de coquins. J'avais des acquaintances parmi la racaille du turf, les artistes ratés et aussi les réfugiés politiques. Un jour, dans une taverne où ces rêveurs exilés se rencontraient, je fus présenté à ce grand philosophe nihiliste, l'allemand de Worms. Je n'observais en lui rien de très particulier, si ce n'est son aspect physique, qui était répugnant, et que je me mis à étudier avec soin. Autant que je pus le comprendre, il prétendait démontrer que Dieu est le grand principe destructeur de l'univers, d'où il déduisait la nécessité d'une énergie furieuse et de tous les instants qui brisent à tout. L'énergie, disait-il, l'énergie à tout. Il était perclus, myope, admi-paralytique. Quand je fis sa connaissance, il se trouva que j'étais en goût de plaisanter, et justement parce qu'il m'inspirait une profonde horreur, je résolus de le singer. Si j'avais su dessiner, j'aurais fait sa caricature. Je n'étais qu'un acteur et je ne pus que devenir moi-même sa caricature. Je me grimais donc à sa ressemblance, en exagérant toutefois un peu la dégoûtante caducité de mon modèle. Ainsi fait, merci, je me rendis dans un salon où se réunissaient les admirateurs du professeur. Je m'attendais à être accueilli par des éclats de rire ou par une bordée d'injures indignées selon l'état d'esprit où se trouvaient ces messieurs. Je ne saurais dire... quelle surprise fut la mienne lorsqu'il se fit, à mon aspect, un silence religieux, suivi, quand j'ouvris la bouche, d'un murmure admiratif. Je subissais la malédiction de l'artiste parfait. J'avais été trop habile, j'étais trop vrai. Il me prenait pour le grand apôtre nihiliste lui-même. J'étais alors un jeune homme parfaitement sain d'esprit, et cette circonstance fit sur moi une impression profonde. Mais avant que je fusse revenu de mon étonnement, deux ou trois de mes admirateurs s'approchèrent de moi, tout frémissant d'indignation, et me dirent que j'étais publiquement outragé dans la pièce voisine. Je demandai de quelle nature était cet outrage, et j'appris qu'un impertinent osait me parodier. J'avais bu plus de champagne ce jour-là que de raison, et par un coup de folie, je résolus d'aller jusqu'au bout. Sur ces entrefaites, le professeur lui-même entra, toutes les personnes qui m'entouraient le toisèrent, et je le considérais d'un regard glacial, les sourcils haut levés. J'ai à peine besoin d'ajouter qu'il y eut une collision. Les pessimistes qui composaient la galerie considéraient tantôt l'un, tantôt l'autre des deux Worms, se demandant lequel était le plus impotent. C'est moi qui gagnais. Un vieillard de santé précaire comme mon rival ne pouvait donner aussi complètement qu'un jeune acteur dans la force de l'âge l'impression d'une agonie ambulante. Il était réellement paralytique, voyez-vous, tandis que moi, je ne l'étais que pour mes spectateurs. Et je le fus bien mieux et bien plus que lui. Il voulut alors me battre sur le terrain philosophique. Chaque fois qu'il disait une chose incompréhensible pour tout autre que lui-même, je ripostais par quelque chose que moi-même je ne comprenais pas. « Je ne pense pas, me dit-il, que vous auriez su dégager ce principe, à savoir que l'évolution est nécessairement négative parce qu'elle implique la supposition de lacunes essentielles à toute différenciation. » Alors, je répondis avec mépris, « Vous avez lu cela dans Prigvère. Quant à l'idée que l'involution fonctionne eugénétiquement, il y a longtemps qu'elle a été exposée par Glump. » Vous dites Prigvère et Glump? Ah, Prigvère et Glump n'ont jamais existé, mais je fus assez étonné de voir que les témoins paraissaient se souvenir parfaitement de ces auteurs. Le professeur, se voyant, en dépit de sa méthode savante et mystérieuse, à la merci d'un adversaire dénué de scrupules, essaya de me désarçonner par une plaisanterie. « Et je vois, dit-il, que vous triomphez à la manière du faux porc d'Ésope. Et vous ?» répliquai-je. « Vous êtes battu comme le hérisson de Montaigne. » Je ne sache pas, je vous l'avoue, qu'il soit question de hérisson dans Montaigne. « Voilà que vous perdez vos moyens, dit-il. On pourrait en dire autant de votre barbe. » À cela, je ne sus que dire. L'attaque était trop directe, trop juste et assez spirituelle. « comme les bottes du parthéiste, fis-je au hasard. » En riant d'un air bonhomme et tournant péniblement sur mes talons, je m'éloignais avec tous les honneurs de la victoire. Le véritable professeur fut expulsé, sans violence toutefois, sauf qu'un énergumène s'épuisa en patients efforts pour lui arracher son nez. Et aujourd'hui encore, il passe dans toute l'Europe pour un délicieux mystificateur. Son sérieux apparent, voyez-vous, sa colère jouée ne le rendait que plus amusant. Non, je comprends que vous soyez amusé un soir à vous affubler de sa vilaine vieille barbe, mais comment ne vous en êtes-vous pas débarrassé ensuite? Vous me demandez la fin de mon histoire. Voici. En quittant la compagnie, suivie d'applaudissements respectueux, je m'engageais en boitant dans une rue obscure, espérant être bientôt assez loin de mes admirateurs pour pouvoir marcher comme un homme. Je doublais le coin de la rue, quand je me sentis touché à l'épaule. Et en me retournant, je me trouvais dans l'ombre d'un énorme policeman. Il me dit qu'on avait besoin de moi. Je me campais dans la plus héroïque attitude que put prendre un paralytique, et je m'écriais avec un fort accent germanique. « En effet, on a besoin de moi. Tous les opprimés de l'univers me réclament. Mon crime, n'est-ce pas, est d'être le grand anarchiste, le professeur de Worms. » Impassible, le policeman consulta un papier qu'il avait à la main. « Oh non, monsieur, me dit-il poliment, ou du moins, ce n'est pas tout à fait cela. Je vous arrête sous l'inculpation de n'être pas le fameux professeur de Worms. » Cette inculpation était certes moins grave que l'autre. Je suivis ce policeman. J'étais inquiet, mais non pas effrayé. Je fus conduit dans le cabinet d'un officier de police qui m'expliqua qu'une sérieuse campagne était ouverte contre les grands centres anarchistes et que mon heureuse mascarade pourrait être fort utile à la sécurité publique. Il m'offrit un bon salaire et la carte bleue. Notre conversation fut très brève. Je me convainquis que j'avais affaire à un homme d'un humour et d'un bon sens puissant, mais je ne puis dire grand-chose de sa personne. C'est parce que vous lui avez parlé dans une chambre obscure. Ah, c'est une bonne chose que le Bourgogne. On ne croirait pas à vous voir. Vous le buvez comme si c'était une drogue. Ah, excusez-moi, je vous prie. Mon cas est assez curieux. Mon cœur est plein de joie, mais j'ai si longtemps joué le professeur paralytique que je ne peux plus me séparer de mon rôle. C'est à ce point que, même avec mes amis, je reste déguisé. Je ne parle pas. Je fais jouer les rides de ce front comme si c'était celle de mon front. Je puis être tout à fait heureux, mais, enfin, comprenez-moi bien, à la manière d'un paralytique. Mais au fond, ce rôle doit vous ennuyer un peu. Ah, vous êtes un garçon bien intelligent. C'est un plaisir de travailler avec vous. Oui, j'ai un gros nuage dans la tête. Et ce terrible problème à résoudre. Jouez-vous du piano? Oui, oui, oui. On dit même que je n'en joue pas mal. Écoutez-moi. Et rappelez-vous qui nous devons voir demain. Vous et moi, demain, nous tenterons quelque chose de bien plus difficile que de voler les joyaux de la couronne dans la tour de Londres. Nous tenterons d'arracher son secret à un homme très fort, très fin et très méchant. Il n'y a, je crois, personne après le président d'aussi formidable que ce petit bonhomme avec son sourire et ses lunettes. Il n'a peut-être pas l'enthousiasme chauffé à blanc du secrétaire ni sa folie du martyr, mais le fanatisme du secrétaire a je ne sais quoi de pathétique, d'humain. C'est un trait qu'il rachète. Le petit docteur jouit d'une robuste santé, plus révoltante mille fois que l'insanité du secrétaire. N'avez-vous pas remarqué sa virilité, sa vitalité détestable? Il bondit avec l'élasticité d'une balle de caoutchouc. Croyez-moi, Dimanche ne dormait pas, je ne sais s'il dort jamais, quand il confia tout le plan de l'attentat à la tête ronde et noire du docteur Paul. Et vous pensez que ce monstre sans pareil s'attendrira quand je lui jouerai du piano? Ne faites donc pas l'imbécile. J'ai parlé du piano à cause de l'agilité et de l'indépendance qu'il donne aux doigts. Nous voulons, Syme, avoir cette entrevue et en sortir sain et sauf. Il faut donc que nous convenions entre nous de quelques signes auxquels cette brute ne puisse rien comprendre. Je me suis composé un grossier alphabet chiffré correspondant aux 5 doigts, comme ceci. B-A-D. Bad. Mauvais. Un mot dont nous aurons souvent besoin, je le crains. Oh, très facile. Ah, je m'y exercerai. Ah, il nous faudrait quelques abréviations pour les mots que nous aurons souvent employés pour indiquer de délicates nuances. Oh, cessez de plaisanter. Vous ne soupçonnez pas combien tout cela est sérieux. Mon mot favori est contemporain. Quel est le vôtre? Ah, il nous faut aussi le mot luisant. Cela se dit de l'herbe, vous savez? Oh, mais pensez-vous que nous allons parler d'herbe au docteur Bull? Oh, il y a bien des moyens d'approcher ce sujet, d'amener le mot sans qu'il paraisse forcé. Nous pourrions, par exemple, dire au docteur Bull, en qualité de révolutionnaire, vous devez vous rappeler qu'un tyran nous a conseillé de manger de l'herbe et, en effet, et à l'aspect luisant et brillant de l'herbe des prés... Ne comprenez-vous pas que nous sommes en pleine tragédie? Mais parfaitement! Il faut toujours du comique dans une tragédie. Et que pourrait-il y avoir d'autre? Or, je voudrais que notre langue du plus détendue et de ressources... Ne pourrions-nous pas nous servir des doigts de pied comme de ceux des mains? Mais oui, il nous suffirait d'ôter discrètement nos chaussures et nos chaussettes pendant la conversation, et alors... Non, Syme, le vin vous fait délirer, allez vous coucher. Et à demain. Le nommé jeudi, de G.K. Chesterton, adapté par Roger Pilaudin, d'après la traduction de Jean Florence. C'était aujourd'hui le 5e épisode, Conduite inexplicable du professeur De Worms. Avec Pierre Arditi, Syme, jeudi, Roger Carrel, De Worms, vendredi. Et Frédéric Girard, Guy Ders, Pascal Martin-Granel, Alain Christie, Christian Zanetti, Solange Boulanger. Bruitage, Patrick Martinache. Collaboration technique, Jean-Richard Dufour. Prise de son, Madeleine Sola. Assistante, Annie Delers. Réalisation, Claude Roland-Manuel. Cet épisode a été diffusé pour la première fois sur France Culture le 9 septembre 1983. Le roman, Le Nommé Jeudi, est publié aux éditions Gallimard dans la collection L'Imaginaire. Vous pourrez réécouter cet épisode en ligne durant 1000 jours ou le télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique Les Nuits de France Culture.